que d'aller me faire une toile. Je me suis mis à écrire une chanson et puis je l'ai mis sur le web à toile. J'avais peur de passer pour un con. Je voulais pas faire de provocation ni de la musique de que bon. Alors j'ai fait une chanson bidon. C'est juste une chanson bidon. J'aimerais bien faire un peu de pognon pour payer mes contraventions. C'est pour ça que j'ai fait une chanson bidon. Je n'ai pas peur de la censure, mais je reste à jeu, ça me rassure. Je veux pas m'en prendre au gouvernement, même si parfois ils sont méchants. Je me suis mis à mon bureau, j'ai sorti mon plus beau stylo. Et en remuant mon cerveau, j'ai pu trouver ces quelques mots. Alors il y a balustrade, ampoule, saucisson, scotch, ah et whisky aussi. Et c'est tout. J'ai demandé à un ami guitariste de me trouver un super riff. Qu'est-ce que je fus étonné lorsqu'il m'en envoya un d'ACDC. Qu'avec Malice c'est pas de riff, mais un producteur d'une maison de 10 m'a dit ça suffit pour faire un riff. On va pouvoir faire plein de fric. C'est juste une chanson bidon. J'aimerais bien faire un peu de pognon pour payer mes contraventions. C'est pour ça que je fais une chanson bidon. C'est juste une chanson bidon. J'aimerais bien faire un peu de pognon pour payer mes contraventions. C'est pour ça que je fais une chanson bidon. Quelques rimes à deux balles, arroser deux, trois ricards. Si d'ici là je suis Patricard, j'irai la chanter dans un bar. Grâce à ma maison de production, j'ai plus aucun droit sur ma chanson. Tous ces cons qui m'invitent à leur émission m'obligent à passer à la télévision. Pour assurer la promotion, je dois répondre à leur putain de question. Heureusement j'ai déjà mes fiches, et puis je m'en fous si je m'affiche. C'est juste une chanson bidon. J'aimerais bien faire un peu de pognon pour payer mes contraventions. C'est pour ça que je fais une chanson bidon. Bon, le bidon est mitigé. Je me suis quand même fait plein de